Exercice 9, page 48. A. Elle a dansé? Transformé. Oui, c'est une danseuse. B. Elle a chanté? Transformé. Oui, c'est une chanteuse. C. Elle a jonglé? Transformée. Oui, c'est une jongleuse. D. Elle a boxé? Transformée. Oui, c'est une boxeuse. E. Elle a skié? Transformée. Oui, c'est une skieuse. F. Elle a surfé? Transformée. Oui, c'est une surfeuse.